Charles Bovary est un écolier borné et un peu ridicule qu'on nous présente au chapitre 1 à son arrivée au collège. Sa mère, malheureuse en ménage, a reporté sur lui son amour et ses ambitions et veut faire de lui un médecin. À force de travail, Charles arrive à passer l'examen d'officier de santé, moins important que véritable médecin. On l'installe alors au petit village de Tost et il épouse pour faire plaisir à sa mère, une veuve âgée et riche, Madame Dubuc. Charles réussit bien auprès de la clientèle villageoise et réduit assez heureusement la jambe cassée d'un riche fermier, le père Rouault. Mais la nouvelle Madame Bovary perd son argent et ne survit pas à sa perte.